la maison, l'arbre plieront le ciel en furie. Fais tout petit, petit. Le vent va les voler avec toi, j'en dirais. Le vent est énervé, t'es pas là pour m'aider, non. Bye.